bébé poilu. Bébé poilu. Interstellaire, du réalisateur Christopher Nolan, en version française. Nous disons que nous sommes, par définition, des êtres capables d'atteindre l'impossible. Et nous énumérons ces moments. Le premier dans l'histoire à franchir le mur du son. Ces moments où nous avons osé viser plus haut, forcer des barrières, toucher les étoiles, faire de l'inconnu du connu. Un bond de géant pour l'humanité. Ces prouesses font notre plus grande fierté. Qui a enflammé l'imagination de toute une génération. Mais nous avons perdu tout ça. Qui rentre au port pour la dernière fois. Ou peut-être avons-nous tout simplement oublié que nous restons des pionniers et que nous ne sommes qu'au début. Que nos plus grandes prouesses ne peuvent pas être derrière nous. Car notre destin, c'est en au-dessus de nous. Mommy, du réalisateur Xavier Dolan, en version originale française. Écoutez, Diane, la pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est se croire ou le croire invincible. L'amour a rien à voir là-dedans. Les sceptiques seront confondus. Je vais te aligner solide, moi, tu vas voir. Moi, tu vas à l'école à la maison, tant que tu reprends le billet d'école normale. Allez, là, hostie, ça fait 24 heures que t'es revenu, que le mec s'est pogné en grandeur, va falloir que tu te ramasses, OK? Vas-tu maintenir la graine que je pisse aussi? Assieds-toi là, femme tailleur. Bonjour, Diane. Shut up! C'est tout ton gars en plein, pis tu peux plus te pointer, ramasse tes clics pis tes claques, pis sayonara, magadaille. Regarde-moi, là. On va être un team, nous deux. On va prendre soin de toi, on va te protéger. En l'air fine, la nouvelle voisine, c'est le maîtresse d'école, c'est la sabbatique. Penses-tu que tu pourrais me rendre un petit service? Ben, ça a l'air de rien de même, mais on t'a prêt à repogner le beat, par le bas. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça dure. Steve, c'est un violon. C'est mon petit gars, il a bien du charisme, mais quand t'es pète une fuse, t'en souviens d'être là, ben ça jouera. On sait qu'à un moment donné, ça va chier dans le moteur big fucking time. C'est juste une question de temps. Bonne chance, madame. Puis moi, on s'aime encore, hein? Mon Dieu. C'est ça qu'on fait mieux, mon homme.